On va parler avec un invité de marque aujourd'hui. Il a signé un contrat comme joueur autonome avec les Bears de Chicago pendant le repêchage de la Ligue nationale de football. C'est quand même assez inusité. Question de savoir un peu comment ça s'est passé. On parle avec Mathieu Bette. Salut Mathieu. Ça va bien, les gars? Ça va bien. Et avec moi, vous le connaissez. On n'y a pas parlé pour le repêchage. On a parlé plus avec son acolyte, Wallet. Mais vous l'entendez tout le temps durant la saison de la NFL. C'est Tony Guzzo du site Le Blitz NFL. Salut, Tony. Bonjour, Danny. Bonjour, Mathieu. Mathieu, je vais y aller avec une première question d'abord. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu. Pendant le repêchage, tu as signé un contrat avec les Bears de Chicago. Pourquoi pas avoir attendu le repêchage, la fin du repêchage? C'est-tu parce que tu avais la certitude que tu ne serais pas repêché? Oui, bien, juste une question à ce niveau-là. Je dis que c'est pendant le repêchage, là, mais ça s'est bel et bien passé vers la toute fin du repêchage. On avait encore des équipes qui étaient intéressées à une sélection en 6e, 7e ronde. On recevait des offres de contrat à partir même de la 6e ronde. La réalité, c'est que vers le milieu, la fin de la 7e ronde, on a eu la confirmation de certaines équipes qui nous intéressaient, que je serais pas repêché, okay. Que je serais pas repêché par eux tout simplement. Donc, on a bougé rapidement au niveau des signatures des agents libres, des équipes qui nous intéressaient depuis le tout début. Ils ont offert des offres de contrat, puis c'est eux qui décident. Juste avant de continuer avec Tony, il y aurait une équipe que tu n'aurais pas vu venir puis qui t'aurait repêché, ça aurait fait quoi? Honnêtement, c'est une option à laquelle j'avais pensé au travers du processus. Okay. J'en ai parlé avec Sacha, mon agent. On s'était entendu les deux un peu pour dire que les chances étaient très basses à ce niveau-là. Donc, c'est pas une option qu'on considérait, mais c'est certain qu'avoir été repêché par une équipe que j'avais pas vu venir, j'aurais été content quand même. Malgré le fait de pouvoir choisir l'équipe où j'allais m'aligner. Si ça aurait arrivé, est-ce que le contrat tombe dans ce temps-là? Juste une question de technicalité comme ça. Là. Ben là, c'est une technicalité que je ne connais pas. OK. J'aurais tendance à te dire que oui, mais je ne me prononcerai pas officiellement puisque je suis pas convaincu, mais j'aurais tendance à croire que oui. OK. Tony, vas-y avec ta question. Oui. Oui, Mathieu, pendant ton Pro Day à Laval, il y avait 5 équipes. Il y avait les Jets, les Steelers, les Bears, les Packers et les 49ers. Est-ce que tu es entré en contact avec eux pendant qu'ils étaient à Laval, entre autres Chicago? Est-ce que Chicago, t'avais déjà été comme dans ta liste d'équipes que tu voulais te joindre? Bien, c'est sûr que les 5 équipes qui sont venues au Pro Day, pour moi, ça signifiait qu'il y avait un intérêt réel, tout simplement, à m'évaluer correctement. Le représentant des Bears de Chicago qui était venu au Pro Day, j'étais allé dîner avec lui la veille de l'événement. Donc, ça, j'avais des contacts un petit peu plus avec eux. Je pense que ça a bien cliqué. Il a démontré un intérêt depuis l'automne qu'on est en contact, depuis même le Pro Day. On est resté en contact, on a communiqué beaucoup. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, je suis simplement content qu'une fois que le repêchage était terminé, j'ai une offre sur la table. Parce qu'il y a des équipes qui m'ont démontré l'intérêt tout au long du processus avec lesquelles j'ai pas eu d'offre non plus, donc j'étais simplement content de pouvoir de me joindre à l'équipe. Les Bears de Chicago ont une tradition de liés défensifs dominants. Brian Urlacher, Mike Singletary, et ensuite de ça, Khalil Mack actuellement, qui est probablement un des meilleurs joueurs défensifs des Bears. Est-ce que ça a pesé un petit peu lourd dans la décision? Parce que les Bears ont une tradition d'avoir une défensive coriace, une défensive rude. Est-ce que ça a pesé? Je ne sais pas ça a joué où exactement dans la décision, mais c'est certain que c'est un facteur qui a joué, sans l'ombre d'un doute, pour mon développement. Je joindrai une équipe comme ça, je pense que c'est très positif. Apprendre avec des gars qui me donnaient plutôt comme Khalil Mack, ça va me permettre d'évoluer comme joueur de football. C'est une tradition défensive, c'est vraiment une des plus grosses traditions dans la Ligue nationale de football. Donc, il n'y a pas beaucoup d'aspects négatifs à me joindre aux Bears. À me joindre aux Bears en ce moment. OK. Tony? Mathieu, pendant, j'ai vu un peu tes résultats là, du Pro Day, puis tu diras à nos auditeurs si c'est vraiment ça. Il semblerait que ton gabarit, ils n'ont pas tombé en amour un peu avec ta grandeur, ton gabarit, mais ils ont bien aimé ta vitesse, ton explosivité, puis ton agilité. Ils l'ont qualifié d'élite parce que tu as super performé dans l'exercice des trois cônes. Est-ce que ça résume très bien que ton style de jeu, puis c'est ça qu'on va voir avec les Bears? Oui, mais je pense que c'est pas une finalité en soi, les tests physiques. T'as raison en disant que j'ai sorti du lot un petit peu dans le test des trois cônes, mais ça fait partie du processus de repêchage, d'évoluer dans les tests physiques, de pouvoir démontrer que t'atteins des standards. Heureusement pour moi, j'ai été chanceux où j'ai détonné avec mon test des trois cônes, mais la réalité pour moi, c'est que dans leur évaluation, selon moi, c'est ce que tu fais sur le terrain qui va passer en premier. Donc, je suis content que les tests physiques, cette histoire-là, soient derrière moi et que je puisse commencer à démontrer que je peux faire plus sur le terrain et puis pas avec des tests physiques. Dis-moi, Mathieu, est-ce que souvent, je ne suis pas sûr que tu vas commencer l'année avec les Bears ou encore peut-être l'équipe de pratique. Est-ce que les unités spéciales, parce que souvent une recrue, ça commence par les unités spéciales, est-ce que tu es à l'aise à jouer cette position-là? Oui, c'est quelque chose qu'on m'a pas demandé de faire beaucoup dans mon passage au Rouge et Or, mais c'est sûr que j'ai l'intention de progresser par les unités spéciales. Je vais amener ma contribution à l'équipe de peu importe la façon qu'on me le demande. Donc j'espère qu'on va me donner la chance d'évoluer sur les unités spéciales. C'est une grande fierté pour moi d'évoluer là. Puis peu importe la façon dont je peux me tailler une place dans l'équipe, c'est sûr que je vais faire du mieux que je peux. OK. Vas-y, Mathieu. Vas-y, Tony, voir. Mais moi, justement, pour suivre ça, c'est ça que je voulais dire, Danny puis Mathieu, puis j'ai lu beaucoup de blogs sur les fans de Bears ou qui sont proches de l'organisation. Ils disent que tu as vraiment une excellente chance de faire l'alignement des 53 joueurs, puis l'équipe a re-signé Aaron Lynch, puis il y aurait une bataille avec lui, Isaiah Irving et Fitz. Donc, je pense que plusieurs pensent que tu vas vraiment pousser à cause de ton style de jeu, puis ta confiance en soi, puis ta détermination. Ça a l'air que ça va être vraiment une grosse bataille pendant le camp d'entraînement au niveau de cette position-là. Est-ce que c'est ça que tu sens? Est-ce que tu as parlé avec les entraîneurs à ce niveau-là? On a des discussions, c'est sûr, avec des membres d'organisation en ce moment. Au meilleur de mes connaissances, il y a trois joueurs déjà établis à cette position-là. L'année dernière, il y en avait cinq sur le active roster, donc sur les 53 joueurs qui évoluaient à cette position-là. Donc, il n'y a aucune équipe qui m'aurait garanti une place de façon assurée sur l'alignement des 53 joueurs. Donc, c'est une position que je suis confortable. Au meilleur de mes connaissances, on va être quatre ou cinq qui vont compétitionner pour deux places dans l'alignement. Moi, la seule chose que je peux faire à ce niveau-là, c'est d'essayer de contribuer au meilleur de mes capacités. Je veux démontrer que je suis capable d'aider cette équipe-là, que je peux réaliser plusieurs choses à l'intérieur de leur système défensif. Puis c'est certain que mon objectif numéro un pour les prochains mois, c'est de faire les Bears de Chicago puis de réussir à faire l'équipe. Mathieu, au niveau contractuel, est-ce que le fait d'être non repêché t'a plus d'avantages qu'une équipe qui te repêche en fin de repêchage? Niveau du contrôle, est-ce que tu as plus de... Parce qu'il y a plusieurs... Quand tu tombes free agent, joueur autonome, j'imagine qu'il y a plusieurs équipes qui sont dans le lot. Est-ce que ça te donne autant de pouvoir de négociation? Tu as un certain pouvoir de négociation, mais disons, les contrats, c'est standard pour un joueur qui est signé après le repêchage où c'est des contrats de 3 ans. Donc ça c'est standard. Au niveau des négociations, c'est certain que tu peux jusqu'à un certain point augmenter la valeur des bonnies à la signature. Mais la réalité, c'est que les équipes ont un budget ou ont de l'argent à octroyer à tous les joueurs qui vont signer sur le marché des agents libres. Donc, c'est sûr que tu ne fais pas sauter la banque en signant comme agent libre. Mais d'une équipe à l'autre, dépendamment de l'offre qu'ils vont t'offrir, bien, c'est certain qu'il y en a des plus avantageuses que d'autres. Puis ça peut jouer dans le processus de négociation où une équipe qui te démontre de l'intérêt au niveau financier, mais souvent ça peut se résumer aussi jusqu'à un certain point à de l'intérêt à faire l'équipe, ce qui est jamais une garantie. Mais lorsqu'une équipe te démontre de l'argent, mais te démontre de l'intérêt au niveau financier, c'est certain que des fois, c'est une indication qui a un plus grand intérêt pour toi. Là. Donc, l'argent là-dedans, c'est pas l'important, c'est vraiment plus l'équipe, comment ils pensent de devoir développer dans leur système. Tony, c'est autre chose? Oui, comme dernière question, puis je vais être honnête, en tant qu'amateur québécois, puis tous les amateurs québécois, Mathieu, on est fiers de toi, on est content qu'un produit du Québec perce la NFL. Il semblerait que, tu sais, vu que tu as vraiment bien performé au niveau collégial, tu aurais eu des offres de Temple, Purdue et Buffalo quand tu es sorti du secondaire, mais tu as décidé de rester au Canada pour jouer ton niveau universitaire. Pourquoi tu as décidé de rester au Québec, au Canada, et non avoir accepté les offres aux États-Unis? Tu vois, à l'époque, c'était pas une question de Canada, États-Unis. Je voulais me joindre au programme qui allait me permettre de me développer le plus possible en tant que joueur, qui allait me permettre de vivre la meilleure expérience universitaire, qui allait me permettre de me développer comme personne. Je suis passé à travers le processus de recrutement comme n'importe qui. J'ai fait des visites, j'ai rencontré les équipes d'entraîneurs, je suis allé sur place voir comment je me sentais, comment au niveau de mon bac, j'allais être en mesure d'avoir des opportunités sur le marché du travail. J'ai eu des belles expériences, j'ai apprécié les gens que j'ai rencontrés à Temple, à Purdue, aux autres universités que j'ai visitées. Mais à la fin de la journée, c'est avec le Rouge et Or que je voulais évoluer, c'est l'Université Laval que je voulais passer. Mes 4 années universitaires, je suis maintenant gradué depuis presque une semaine. Donc, je pouvais pas être plus heureux de la situation dans laquelle je suis, d'avoir réussi à graduer en dedans de 4 ans, mon bac en enseignement. Maintenant, d'avoir l'opportunité de me joindre aux Bears de Chicago. Donc, à l'époque, je cherchais vraiment le meilleur fit pour moi sur 4 ans, en essayant de faire abstraction de ce qui allait pouvoir se passer par la suite. OK. Il me reste 2-3 petites questions, Mathieu, en rafale. Il y a des questions des auditeurs. La première question, pourquoi les Bears au lieu des autres équipes? Il y a plusieurs facteurs. C'est certain que c'est une équipe mythique. C'est une équipe avec une très grande tradition de football. J'ai juste entendu des bons mots sur la ville de Chicago. Très belle en passant. Oui. J'ai déjà été. Oui, super. Tout le monde a la même réaction. Moi, je suis jamais allé. Mais juste pour te dire, Mathieu, là, je veux pas te faire peur, mais il y a eu 700 meurtres l'année passée. Juste te faire peur. OK, mais continue. Blague à part. Mais c'est ça, là, honnêtement, c'est l'équipe qui me montrait de l'intérêt un peu comme j'ai tantôt depuis le début du processus de repêchage, de négociation. Okay. Donc, j'étais très à l'aise de me joindre avec eux. OK. Deuxième question, le rôle de Sacha Gavani, est-ce que ça l'aide beaucoup dans les négociations? Parce que, quelque part, il commence à se faire un nom, lui-là, là, LDT, Anthony Auclair, est-ce que ça joue un rôle? Puis il y a des contacts, le gars, là. Il est très impressionné comme agent. Ça... Parle-moi du rôle de Sacha là-dedans. Ben, tu parles de Sacha, oui, il y a un gros rôle sans lui, je pense. Il n'y a pas grand-chose de ce processus-là qui aurait abouti bien loin. Samedi, c'est lui qui s'est occupé de toutes les procédures de négociation avec les équipes. C'est lui qui a été le pont direct avec la majorité des équipes tout au long du processus. J'ai la chance aussi que c'était pas son premier repêchage, son premier rodéo. Il était passé par là, il était au courant des embûches potentielles qu'on allait pouvoir avoir au courant du processus. Donc, je suis super chanceux de collaborer avec lui. C'est pour ça que je me suis entouré de Sacha. Je pense que c'est je me donne du crédit quand même parce que j'ai réussi à m'entourer de bonnes personnes. Puis c'est souvent ça qui t'amène loin dans la vie. Donc, je le considère là-dedans, c'est certain. Dernière question, Mathieu. Après ça, on va te laisser aller parce que tu as plusieurs entrevues. C'est jeudi, c'est le repêchage de la Ligue canadienne de football, ce coup-là. Oui. T'es considéré comme le premier espoir. Évidemment, je pense pas que tu sois, vu que tu as un contrat avec les Bears de Chicago, je pense pas que tu sois le premier choix overall. Est-ce que tu es ouvert à la Ligue canadienne si jamais ça ne marche pas avec les Bears? Oui, toutes les équipes avec qui j'ai communiqué dans la Ligue canadienne de football sont au courant de ma situation. Ouais. J'ai l'ambition de jouer au football professionnel la saison prochaine, que ce soit dans la Ligue nationale de football ou la Ligue canadienne de football. Okay. Tout mon focus en ce moment s'en va vers faire les Bears de Chicago. Ben oui. Si jamais ça ne fonctionnait pas, je vais le rapporter évidemment à l'équipe de la Ligue canadienne qui va détenir mes droits. À ce moment-là, c'est certain. Ben Mathieu, très intéressant. Tony, je te retourne en congé. On se reparle au mois d'août. Je vais terminer l'année du repêchage avec Wallet. Mais s'il se passe une grosse nouvelle, je te rappelle. Merci beaucoup, Mathieu. Très intéressant comme entrevue. On va évidemment surveiller ça à partir du mois de mai parce que les gens se posent des questions. À partir du mois de mai, tu vas te rapporter à Chicago pour le minicamp, c'est ça? Le minicamp, c'est vendredi, ça commence. C'est vendredi, oh monsieur, ça va vite. Ça s'en vient bientôt. Ça va très bien. OK, ben Mathieu. Bonne chance, Mathieu. Bonne chance. Merci beaucoup. Mathieu Bess, des Bears de Chicago.